18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro underground. Vous êtes sur Croc Radio 89.5 FM, toute l'équipe de Convergence, comme toutes les semaines, est là pour vous, une heure d'émission, émission voyage aujourd'hui, puisque c'est une émission un peu éclectique dans laquelle on va pouvoir voyager un peu avec quelques vinyles que nous a ramené une talentueuse photographe lyonnaise qui est avec nous. On a la chance de l'avoir dans les studios. Elle va nous en parler dans quelques instants. Et pour commencer, eh bien, on part au Groenland avec un artiste et un morceau dont je peux malheureusement pas encore dire le nom, mais on aura les explications tout à l'heure. Voilà, en tout cas, bonne découverte. Vous êtes avec Convergence. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur notre Mixcloud, sur Convergence Electro Libre et bien sûr nous écouter en streaming ou en direct. Avec plaisir, c'est parti pour une heure. C'était Inuk, un artiste groenlandais, et avec moi la photographe d'exploration Laurence Fischer. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bah écoute, merci d'être avec nous, ça nous fait très plaisir de t'avoir, et très sincèrement, il faut que tu nous en dises plus sur cette langue qu'on n'a pas forcément très bien compris, sur Inuk, qu'est-ce que ça veut dire, et puis surtout tes voyages, Groenland, comment tu as pu récupérer ce vinyle, dis-nous tout. Alors, pour commencer, Inuk, qui est le nom du groupe, signifie l'homme, et Inuit, les hommes. pour l'anecdote, à l'époque, ils pensaient être un peu seuls. Du coup, ils se sont appelés les hommes, comme plein de peuples, les Rapa Nui, pareil. Donc, quand on parle d'Inuit, en fait, on ne dit pas les Esquimaux. On non, dit Esquimaux, les c'est péjoratif. Ça veut dire mangeurs de viande. Donc, on parle d'Inuit. C'est leur nom. Ça englobe toutes les populations autochtones au Groenland, en Alaska, en Russie, au Canada. D'accord, ok. Et même si après, il y a des sous-populations... C'est parlé dans quelle région du Groenland, ce langage? Donc là, c'est la langue du Groenland de l'Ouest, le Kalaallisut. Il y a aussi le Groenland de l'Est et du Nord. Donc, le Kalaallisut, c'est parlé par à peu près 25 000 personnes, un peu plus, un peu moins. D'accord. Et là, c'est un groupe qui vient de Nuuk, qui est la capitale du Groenland. Donc c'est un peu au sud du cercle polaire. Il y a combien de personnes qui habitent à Nuuk? 18 000 de mémoire. D'accord, ok. Et tu y étais quand, Groenland? Donc j'ai découvert le Groenland il y a 5 ans maintenant, en 2014. Donc, et c'était le grand rêve de ma vie, et pour mes 30 ans, je suis partie en randonnée au Groenland. J'ai eu la chance d'y retourner grâce à mon travail l'année dernière, et à cette année, je travaille pour une compagnie française de croisière exploration, d'expédition, Ponant. Et grâce à eux, j'ai pu retourner au Groenland et à Nuuk, donc deux fois. Et j'ai profité de mon dernier passage l'été dernier pour aller voir le seul disquaire du Groenland, qui est à Nuuk, qui a repris un petit magasin il y a quelques années. Et ça marche. D'accord. Donc, tu es allé dans le seul disquaire du Groenland, à Nuuk. Voilà. Atomy Records. C'est ça. C'est ça. Bon, bah, s'il nous écoute et surtout s'il nous comprend, on va pouvoir le saluer. On le taguera sur Facebook. On le taguera bien volontiers sur Facebook. Parce qu'ils sont hyper connectés sur le net et sur Facebook notamment. Au Groenland, il y a l'électricité, il y a l'eau courante aussi. Pas partout, mais pas partout. Mais grosso modo, ils sont un peu dans la civilisation, Internet, Facebook. Voilà, c'est comme nous, quasiment. Oui. Oui, sauf que l'hiver, ils se déplacent en traîneau. En traîneau, en hélicoptère. D'accord. Et qu'est-ce qui t'attire sur ce pays, sur le Groenland? Beaucoup de choses. Que ce soit les paysages, le contact avec les gens qui sont très chaleureux, très ouverts, curieux. Ils ont tellement de choses à nous apprendre. Voilà, leur mode de vie, quand on va là-bas, on est à la fois hyper déconnecté et à la fois les enfants, ils ont des pulls Hello Kitty et Cars. Donc c'est super intéressant de voir leur monde. Et j'aimerais y aller en hiver pour voir concrètement comment on vit, comment on chasse sur la banquise avec le traîneau à chien. D'accord, ça sera l'occasion en tout cas de revenir dans les studios puis de nous ramener un autre vinyle. Mmh. On est avec toi encore toute l'heure, plutôt une émission musique du monde sur Croc Radio 89.5 FM et on continue notre exploration musicale. À tout à l'heure, merci. On continue notre voyage toujours avec la photographe Laurence Fischer, que vous pouvez retrouver effectivement sur Facebook, Laurence Fischer photographe. Et on passe du Groenland, sans transition du Groenland à Tahiti, avec Tahiti Village, vinyle que Laurence Fischer nous a ramené de Tahiti, de Papeete. Tahiti Village avec les Barefoot Boys et Loma. Bonne écoute, vous êtes sur Croc Radio avec Convergence pendant une heure. C'était Tahiti Village, les Barefoot Boys et Loma, un vinyle fort sympathique que nous a ramené la photographe Laurence Fischer dans son expédition dans toute la Polynésie française, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai vu tes photos, c'est des décors de cartes postales, quoi, vraiment. Qu'est-ce que tu as retenu de ce séjour d'un bon mois en Polynésie française ? C'était en Polynésie tout court, puisque la Polynésie, c'est un triangle entre Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques. Et la Polynésie française est un ensemble d'archipels là au milieu. Ce que j'en ai retenu, c'est que la carte postale existe, clairement. Mais il n'y a pas que ça, il y a une culture derrière qui est fabuleuse et vraiment beaucoup de choses à apprendre que j'ai dû en voir 1% en un mois. Et oui, il y a vraiment D'accord. beaucoup de choses. C'est vraiment une culture différente. Et très différente entre chaque archipel, entre les Marquises, soit les îles de la Société, Rapa Nui qui est l'île de Pâques, ou d'autres, moi j'ai vu que c'est en gros celle-ci. Les Gambiers, enfin c'est vraiment tout différent. J'ai remarqué sur tes photos, tout le monde est tatoué. Et il y a une forte culture du tatouage, surtout dans les îles Marquises, en effet, et aussi Rapa Nui. D'accord, donc Rapa Nui, pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent ce que c'est plus connu sous le nom de... L'île de Pâques. L'île de Pâques, là où il y a les grandes statues élevées, qu'on appelle les... Les Moais. Les Moais, voilà. C'était un super voyage. Merci en tout cas de nous avoir ramené ces différents vinyles. Pour l'anecdote, c'est le seul disquaire de Polynésie française à Papeete. D'accord, donc... Encore une fois. Après le seul disquaire du Groenland, le seul disquaire de Polynésie française à Papeete. Eh bien, en tout cas, s'il nous écoute, on ne manquera pas de le taguer également Facebook et de le saluer. Merci à lui, vive le vinyle. Et on continue notre exploration sonore. Et c'est parti, toujours sur Croc Radio. Dame calma, Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Thank you. 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Oh, Why? Vous êtes toujours sur Croc Radio 89.5 FM, l'équipe de Convergence est toujours là et l'émission arrive à sa fin. Et David, mon cher collègue David de l'équipe de Convergence, a quelques projets à nous faire part. Dis-nous en plus. Oui, exactement. C'est vrai qu'avec cette émission qui était tout en couleurs, qui a visité justement un peu le monde entier avec la Tahiti, l'Afrique du Sud et puis même les îles. Du coup, on va rester un peu sur tous ces aspects créativité. Et c'est vrai que ça bouge pas mal sur Lyon, notamment du côté de la taverne du Gutenberg, justement, qui déménage après 3 ans d'activisme. Justement, ils ont repris un projet qui s'appelle les Halles du Faubourg, qui vous a bien fait rythmer ces derniers temps, qui est consacré 4 nuits, dont Nova. Enfin, il y a plein d'artistes, de collectifs qui ont participé, et même beaucoup, ça a bien bougé. Et du coup, en fait, ils vont s'y consacrer pleinement, donc ils déménagent. Donc ils étaient justement rue de l'Épée, à Lyon 3e. Et en fait, c'est le cartel qui reprend le projet et qui va s'étendre d'ailleurs jusqu'au 10 de rue de l'Épée. Donc imaginez-vous l'ampleur de ce qui vous prépare, et vous pourrez retrouver par exemple un bar en rez-de-chaussée, des cours, des conférences, des expositions, espaces de privatisation, voilà, et puis des ateliers super d'artistes. Et notamment aussi un deuxième lieu qui va bientôt arriver, ça s'appelle Chromatique. Ça, c'est au 50 rue Saint-Michel à Lyon 7e. Et pareil, c'est le collectif Le Bitume qui reprend création d'espaces d'hybride, d'expression libre, où il y aura des ateliers d'artistique, des bars, salles d'événementiel. Voilà, okay. Donc plein de lieux d'expression pour les artistes et futurs lieux. C'est vrai qu'en ce moment, il y en a qui ferment, il y en a d'autres qui rouvrent, mais voilà, ne vous inquiétez pas, à Lyon, il y a tout ce qu'il faut. Ça bouge, il y a tout ce qu'il faut. Et près de Lyon, à Vienne, eh ben, on était avec vous pendant 1 heure. Tout le collectif de Convergence vous remercie. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Yes. Même lieu, même heure, avec toujours plein de belles choses à écouter. Merci, très bonne soirée. Salut Arnaud. Salut, salut. 18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.